maintenant tu es dame. Ne réveille pas Jésus-Christ, solitaire par son charisme, du venant de son esprit. Quel vacarme dans son esprit, quel amour dans son esprit, vie plénitude dans sa parole, c'est le lion de son amour. Sa parole, c'est le lion de son amour. Quelle joie nous avons en Jésus, Dieu nous donne sa vie en Christ. Quel appel nous avons de son nom, la parole, l'esprit et vie. Son esprit, quel amour dans son esprit, vie plénitude dans sa parole, c'est le lion de son amour. Quel vacarme dans son esprit, quel amour dans son esprit, vie plénitude dans sa parole, c'est le lion de son amour.